docteur. Monsieur le docteur. Vous soignez le docteur. Vous soignez le docteur. La photo confiance. Tu veux coucher avec toi? Tu veux aller chez dans l'eau? Tu vas aller voir ta maman? Bah non. Madame, elle va couper les cheveux. Qu'est-ce ça fait mal? Maman va te soigner? Maman va te soigner? Maman, t'as bien soigné, hein? Maman, t'as bien soigné. Il soigne, monsieur Bourton? Mamie, il soigne. Maman? Monsieur Bourton, ça fait mal? Monsieur Bourton, ça fait mal? Monsieur Bontaï, ça fait mal? Ça va? Tu vas aller te coucher? Tu vas aller te coucher? Non, je vais pas aller.